بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم اكتفى ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. أخذنا في الدرس السابق on a pris dans le cours précédent les descriptifs des prières de nuit. Et l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala nous a évoqué dans ce paragraphe là que les descriptifs de la prière de nuit sont au nombre de 6. 13 unités de prière dans laquelle il observe un taslim après chaque 2 unités de prière. 13 unités de prière, 2 par laquelle il ouvre les prières nocturnes, 2 unités de prière qui sont légères. Ensuite, il prie le reste de ces unités en observant un taslim après chaque 2 unités de prière. Et il conclut le witr par une seule unité de prière. Ça, c'est la meilleure des façons de faire. La deuxième qui est semblable, sauf qu'il prie 11 unités de prière. Au lieu de 13, il commence directement sans faire le prologue des prières nocturnes, sans ouvrir sa prière nocturne par 2 unités de prière légères. La troisième kefiya, il prie 13 unités de prière, 8 dans lesquelles il va observer après chacune de 2 unités de prière le taslim, et lorsqu'il va arriver à après la 8e unité, lorsqu'il va se lever pour la 9e et la 10e jusqu'à la 13e, il va faire un witr par 5 unités de prière directement sans s'asseoir. Il ne s'assoit qu'à la 5e unité de prière, ensuite il fait le tashahhud et taslim. La 4e kefiya, c'est de prier 13 unités de prière, 4 d'affilée, ensuite avec un taslim, ensuite 4 d'affilée et avec un taslim, et ensuite 3 d'affilée avec un taslim à la fin. La 5e kefiya, c'est de prier 11 unités de prière, 8 d'affilée, sans s'asseoir, sans tashahhud, sans taslim, sans rien du tout. À la 8e, il s'assoit, il fait le tashahhud, il ne fait pas le taslim, il se lève directement, il ajoute une unité de prière, à la fin de cette 9e unité de prière, il s'assoit, il fait le tashahhud, et ensuite il fait le taslim. Il fait le takbir assis et il ajoute 2 unités de prière. Dans la première, il lit, إِذَا زُنْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا, et dans la deuxième unité de prière, il lit, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, tout en restant assis. Et ensuite, il fait le tashahhud et le taslim. La 6e kefiya est la dernière, qui est semblable à la 5e, c'est-à-dire, il va faire la même chose, sauf qu'il va diminuer le nombre d'unités de prière. Au lieu de 11, ils vont prier 9, donc 6 d'affilée. À la 6e, il s'assoit, il fait le tashahhud, il se lève, il ajoute une unité de prière, il fait le tashahhud et le taslim, donc ça fait 7. Ensuite, il ajoute 2 unités de prière tout en restant assis. Voici les descriptifs des prière du prophète عليه الصلاة والسلام durant la nuit. قال رحمه الله تعالى القراءة في ثلاث الوتر, la lecture que doit observer celui qui fait un witr par 3 unités de prière. قال رحمه الله قال ومن السنة أن يقرأ في ركعة الأولى من ثلاث الوتر, il fait partie de la sunna pour celui qui s'adonne à faire un witr par 3 unités de prière de lire dans la première سبح اسم ربك الأعلى, وفي الثانية قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, dans la deuxième il est celle-là, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, وَفِي الثَّالِثَ, dans la troisième unité de prière, il dit قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Et ce hadith-là est rapporté par Ahmed et Abu Dawud, et le hadith il est authentique. قَالَ وَيُضِيفُ إِلَيْهَا أَحْيَانًا, et de temps en temps il est bien qu'il rajoute قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ, et lorsqu'il a lu قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ dans la troisième unité de prière, il dit des fois, il est bien qu'il rajoute à la lecture de قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ les deux autres sourates, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ, c'est-à-dire qu'il lit dans la troisième unité de prière 3 sourates. Ce hadith-là, yani avec la ziyad, avec cet ajout-là, qui dit que dans la troisième unité de prière, il est bon de rajouter parfois قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ à la lecture de قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, c'est une ziyad, un ajout qui n'est pas authentique. C'est un ajout qui est faible. Dans la chaîne de transmission, il s'y trouve Khusayf ibn Abd al-Rahman al-Juzari. Et il est qualifié comme étant Sayyil Hifz, et quelqu'un qui a une mauvaise mémorisation. Kazadika, le deuxième défaut qu'il y a dans cette chaîne de transmission dans laquelle il est dit qu'il est bon de rajouter ces deux surahs à la lecture de Qul Huwallahu Ahad, il s'y trouve Abdurrahman ibn Jarej, et il est daif, il est faible. Et en ajout de sa faiblesse, il n'a pas entendu ce hadith de Aïcha. Parce que dans la chaîne de transmission, il est dit que Abdelaziz ibn Jarej a entendu Aïcha radiallahu anha dire que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, de temps en temps, il rajoutait à la lecture de Qul Huwallahu Ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas. Or, celui qui prétend avoir entendu cela de Aïcha ne l'a pas entendu. Car c'est mon qater. Cette personne-là n'a pas rencontré Aïcha. De ce fait, il ne peut pas avoir entendu cela de Aïcha. Et l'imam Ahmad ibn Ma'in, deux grands imams dans le hadith, wa ghayruhuma, et d'autres parmi les grands imams du hadith, ont blâmé cet ajout-là, ont évoqué que cet ajout-là, c'est une erreur. Il est munkar, ankaru tilka ziyada. Et le hadith dans lequel il est dit qu'il est bon de ajouter, il est venu sous une autre version, rapportée par l'imam Ad-Darqutni, rahmahullah ta'ala, et autres. Dans la chaîne de transmission, il s'y trouve Yahya ibn Ayyub, qui est qualifié comme Shadouq, lakin kathir al-ghalat. Quelqu'un qui est fiable, lakin qui a des erreurs. Et même beaucoup d'erreurs. وقال العلماء هذا منه. Et cet ajout qu'il a rajouté, ça fait partie de ses nombreuses erreurs. Comme l'a évoqué l'imam Ibn Malaqin, rahimahullah ta'ala. قال وقد أنكر عليه أحمد وابن معين هذه الزيادة. L'imam Ibn Malaqin a dit que l'imam Ahmed, ainsi que l'imam Ibn Ma'in et autres, ont blâmé cet ajout-là. Donc, il ne fait pas partie de la sunna de rajouter à la lecture de Qul Huwallahu Ahad dans la troisième unité de prière dans le witr, la lecture de Qul A'udhu bi Rabbil Falaq et ni de Qul A'udhu bi Rabbin Nas. Lakin, il se contente de dire Qul Huwallahu Ahad, car l'ajout n'est pas authentique. قال رحمه الله تعالى وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ مرة في ركعة الوتر بمئة آية من النساء. Et nous dit رحمه الله تعالى qu'il est authentifié du prophète عليه الصلاة والسلام qu'il a une fois lu dans une unité de prière du witr 100 versets de la sourate An-Nisa. Et il fait allusion à Athar qui est rapporté par Abu Mijlas. قال صلى أبو موسى بأصحابه وهو مرتحل من مكة إلى المدينة قال صلى أبو موسى بأصحابه فصلى العشاء ركعتين وسلم ثم قام فقرأ مئة آية من سورة النساء في ركعة. Et dit رحمه الله تعالى أبو مجلز que أبو موسى رضي الله عنه une fois il a prié صلاة العشاء ركعتين en deux unités de prière et quand il était en voyage. ثم قام فقرأ مئة آية من سورة النساء في الركعة. Et ensuite il a fait le witr en une unité de prière et il a lu dans cette unité de prière سورة النساء 100 versets de سورة النساء. فأنكر ذلك عليه. Et lui ont reproché, certains qui étaient derrière lui ont reproché ce fait. قال ما علوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه. Il a dit je ne fais que de faire ce que le prophète عليه الصلاة والسلام a fait. وأن أصنها مثل ما صنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني je me suis identifié et conformé à ce que le prophète عليه الصلاة والسلام a fait. Ce athar-là, il est discuté. Il a été discuté car dans la chaîne de transmission s'y trouve Abu Mijlaz, le rapporteur qui rapporte de Abu Musa al-Ash'ari رضي الله عنه. Et il faut savoir que ce rapporteur-là, ce tabi'i, il est connu comme étant mursil. C'est-à-dire quelqu'un qui prétend certains récits des sahabas alors qu'il ne les a pas rencontrés. Les a'imma, ils ont dit qu'il a rapporté des choses de Al-Hudhaifa ibn al-Yaman et de Imran ibn al-Husayn et de Samura ibn Jundub et d'Ibn Abbas et de Al-Hassan ibn Ali radiyallahu anhum. Et il n'a pas entendu de ces personnes-là. Yani, c'est un mursil, lahu marasil. Il rapporte des narrations de certains sahaba alors qu'il ne les a pas rencontrés. Et hatta le Cheikh Arnaoud, il évoque qu'il y a un doute concernant l'affaire de Abu Mijlas. Est-ce qu'il a entendu d'Abu Moussa ou pas? À savoir que Abu Moussa, il est mort en 50, et lui, il est mort en 106. Enfin, il n'y a rien qui prouve qu'il a entendu de Abu Moussa. Si jamais il aurait dit, مثلا, حدثنا, une chose qui nous permet d'être sûr, on aurait dit que ce athar-là et le hadith qui est rapporté en même temps dans cette même information est authentique. Laquelle on n'a rien qui prouve cela. On n'a rien qui prouve cela. Au contraire, on a des indices que cette personne-là rapportait des récits des sahabas sans les avoir rencontrés. Donc, cette chaîne de transmission a un défaut qui est Abu Mijlas, qui s'appelle Lahaq ibn Humayd. Et rien ne prouve qu'il a entendu de Abu Moussa. Donc, mieux vaut ne pas prendre en considération ce athar-là et ni kazalika le hadith, car rien ne nous permet de pouvoir l'attribuer au prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mieux vaut ne pas s'aventurer et dire que le hadith est authentique. Ce qui est connu de la sunna du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, comme on a pu le voir, il avait une lecture qui était décroissante. Plus il avançait dans la nuit, et moins il lisait. Tandis que là, il évoque qu'il a lu 100 versets de sourate al-Nisa. Enfin, sa sunna, elle montre l'inverse. Plus il avance, comme on a pu voir à travers le hadith de Khalid ibn, de Zayd ibn Khalid al-Juhani, radiyallahu anhu, أنه صلى ركعتين طويلتين طويلتين ثم ركعتين دون وهما دون اللتين قبلهما et ensuite il a prié deux unités de prière dans lesquelles il a moins lu et ainsi de suite jusqu'à ce que il finisse la prière de nuit. Donc les récits qui sont authentiques contredisent cette manière de faire qui est d'allonger le witr en priant avec 100 versets. والله اعلم نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك